nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKP pour Hentar Brezonek. On est à l'émission 414 pour le Gariou Arvué, Perhand Perzek. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un mot, c'est un préfixe hein, qu'on trouve dans pas mal de mots, qui est un préfixe diminutif, qui diminue plus ou moins. Ça a un peu le sens de un peu, de semi, et c'est dam, D-A-M. Alors j'ai pensé à ça parce que l'autre jour je pensais à une chanson que chantait une dame ici à Pommery, Tante Maï Pennec, qui était Meusibian, et dans cette chanson on disait « Mi velaz et dame guzen, me hadorik vouret » Je vois là, à moitié caché, mon petit fauteuil bourré, rembourré, qui me tend les bras là. Et donc ce mot-là me posait problème quand j'étais jeune parce que je comprenais pas ce que c'était. Et j'ai appris bien plus tard que ça voulait dire à moitié caché, hein, par exemple dans l'obscurité, dans la pénombre, dame guzette. Et on trouve donc c'est un diminutif qu'on trouve dans pas mal de mots comme ça. Par exemple, dambose, c'est la césure dans un verre. Tu sais les verres longs. En français, c'est les alexandrins. Ils sont coupés à un moment donné, au bout de 6 pieds, et on reprend sa respiration. Je me souviens avoir récité, quand j'étais jeune, les ajoncs éclatants parurent du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Au loin, brillant encore par sa barre d'écume, la mer sans fin commence où la terre finit. Alors, quand on était jeune, on accentuait la césure, hein, pour donner du rythme au vers. Et en breton, c'est pareil. Sauf que c'est des vers de 13 pieds dans le grand Aliscan et qu'on coupe à 7, quoi. Donc, tiens-t'en ma heureuse, mis-moi commandamment, de Gervis j'y heuroué, près des baisans contentes. C'est ça, une dambouis, hein. Donc, la césure, la respiration, on dirait, hein. Alors, y a pas mal de mots. Alors, c'est des fois à peu près, des fois c'est à moitié, hein. Par exemple, dambléguant, c'est se pencher sur quelque chose, plier un peu, hein, quand on d'emblée quand on rendra benekeda. Dambrest, ça veut dire très bientôt. Nous on disait plutôt prestig. Hein. C'est un autre diminutif qu'on mettait à la fin plutôt que. Mais dambrest, ça veut dire très bientôt. Voilà. Dambrisin, c'est sous-estimer. Voilà. Dambhulo. À peu près vide. On pourrait dire damelin, à peu près plein. Hein. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Hein. Damhoudé, peu après. Hein. Voilà. Alors, damhollow, c'est aussi, enfin, c'est pas la même racine, mais c'est aussi la pénombre. Hein. Damhollow. Hein, voilà, l'obscurité un peu éclairée quand même. Hein. Alors, damhuero, c'est à peu près amer. Un peu amer, hein, damwer. Nous, on prononce pas beaucoup le O, on dit wer. Hein. Voilà. Damdawal, c'est à peu près sombre. Hein. Damdost, c'est pas très loin. Damdouce, c'est alors... oui, et ça rend souvent ce qu'on rend en français par âtre, hein, le suffixe âtre. Hein. Damdouce, c'est douceâtre. Hein. On verra dans plusieurs mots, on trouve cette traduction en français, douceâtre. Hein. Donc il y a une mutation après dame aussi. Alors il y a une mutation après le dame, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. Il y a une mutation adoucissante. Mm-hmm. C'est très souvent là, derrière les préfixes, il y a une mutation comme ça. On va voir par exemple dame-gol, par exemple. Hein. Dame-gol, c'est perdre un peu. Hein. Voilà. Oublier un peu, d'emgolen mesé, quoi. J'ai perdu de vue un petit peu. Hein. Voilà. D'emgoms, murmurer. Mm-hmm. Voilà. Il y en aura encore d'autres, hein, mais on va peut-être pas quand même en donner une trop grande avalanche. Justement, quand on parle de. On a parlé de tout ça, d'emrue, rougeâtre. Voilà. Damsel, une damsel, c'est un aperçu aussi, un aperçu de quelque chose. Donc c'est toujours cette cette diminution, hein, quelque chose à moitié, quoi. Voilà. Damser aussi, à peu près fermé. Damsclair, à peu près clair. Voilà. Et bon, finalement, on pourrait, à partir de beaucoup de d'adjectifs ou de noms, on pourrait en composer presque à volonté. Hein. Alors, il y a aussi, parce qu'il y a aussi un préfixe dont on avait parlé, qui était hunter, hein, qui est à moitié et qui aussi désigne des moitiés qui sont pas forcément égales. Hein. Voilà. Hunter zone, hein, à moitié fou, hein, voilà. Et on peut en faire beaucoup comme ça. Dans mes moins usités quand même que hunter. Hein. Mm-hmm. Mais bon, on peut créer comme ça des néologismes, hein, et je pense que dans la langue bretonne qui va venir, qui évolue un peu tous les jours, il y aura pas mal de mots composés avec cette dame, quoi. Donc il faut le connaître. Eh ben, grand-moment tant trop, on a forcé. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek tant ma tombe. Raison d'être, temps ma tombe, c'est la deuxième partie de l'émission. On va parler de quoi aujourd'hui, Henri ? Alors, aujourd'hui, donc, Chornik est allé voir André Gack, qui est le président des boulistes, à la fois de Zantolog et des Poudériens, puisqu'ils ont fait un club ensemble, ah ouais. Bertrand. Ensemble, ARP. Voilà. Voilà, un club intercommunal. Voilà. Alors, on les écoute. On les écoute. Salut, André. Manantra au Gandar ? Ya, matri, Chornik, à Gandar. Matrié, mais l'arédinta, oui, président d'un voulisté. Jan Chornik, président d'Orstrolat Berterboulo, Zarvet Gantut de Zantolok, à de Splouderien, d'Ogze Glasso, vraiment. En an, mon ba, boulodrome Zantolok. Jan Chornik, Pemplasso et Betzarvet, Tulzo Olar et Ilizor Boulo, mais Guré et Orboulodrome Ker. Agalies, Verroiriet Boulo, ama. Oh, ya, BMD PV Clou à Roar en Amser. Plusieurs adorés gauze au bord au parti, mais le végeau vêtu de Johan a dit végeur mis avec red scholar boulot. Pour les petits, ça. Voilà. Alors, voilà. Alors on verra la prochaine fois, hein, on parlera un peu de cette école de boules, là. C'est de la boule bretonne. C'est de la boule bretonne, ah, oui. Bien sûr. Ah bah oui. Oui, oui. Ah bah bretonne, mais aujourd'hui elles sont faites en Italie, puisque c'est des boules en plastique, hein, depuis quand même pas mal d'années. C'est un scandale. Avant, c'était des boules en.

troisième partie d'émission, Petra Zonnevier-Vro Eri. Petra Zonnevier-Vro, calze drau et veljus boervej di ouzan. Tramenede, bremen mi sienver, a gerion ba mis huire. Huire bien velar em mangos, a alis, ve amzer yin, a skorn braz hag a er a vejo, pa de mis huire. Hag red e diwal me mesreur roglard e echu ur gwan. Red e gotas ve tramenede mis huire. Blam deus meus klev de ne vo ke gwal kaz e yindor ba mis weir. Tient or vo glo a gravel, me war anke de matrez an bardo geze. Bon, setu kaz dra ou zo de l'ard war an amzor, hein, pe dur ve l'ard de e tomor an amzor vid de gwejel. Bon, gwel vo pe samot vo kont. War da chan e labour douar, kom ze ve kaz ar mar eman, de ce pack navy puis dur leur pack et politique et la bourdoir babro europa à babla mille noran do à tregon do à triugen pelar in mat ne que tienne de cause bon de l'ardé rentre quand de la soupe on tombe mur ou abela que wardrod leur pack leur pack ou abela que wardrod mais de hous ou estor puis dur ou que mes hoer bro babro europa ou à l'air nem vaut de Rome, traité de Rome, une galac. Hag, evel juz, ou à estor, on tombe une trou, puis je vois que mes arroises, déjà, ou à terre-doir, quand on va leur politiquer, traitou de brouillouse. Bon, boué, ar pag, ne change casse, dans ma tombe, vais change, hag, vraiment, ne babla yauzo, vais j'ai comme de DPU, Ag blanc roman vous comme êtes dans une DPB. Ag bon un tuel d'une DPB ou vous haute d'une dude vous raisi court au glace d'une dude ag virion et un trous au lieu Edouard. C'est tu pereg vegré d'em vaud ou quand comme la bourdoir et vi display quand de la bourrer un douar pesamot vos calculs d'un zicourios. Mais n'est que quoi ce clair, un trou, l'aine me scalse, trou, ben, ma gazette et nous, bon, n'est que quoi ce clair, ouais, mais ce clair, un drame, ma hanor, je peux l'équête. Bon, ouarda, chenor politiqueres, tosta de rhum, vraiment de zone, vote à dégoût, évidor paroujou. Ah, sais-tu, rogue en pem de zevis, meurs, au raid, tisclérian, liste et nous. Ah, bon, vous quel, pis sa mot de vos comptes. Vraiment, ne fait que quel, tchine, Pe ne bedoir me sera un dud ronde de gambal, il fait lui chez guette, guégel, un guégel au sacré là, où on monte gambal, il monte vel tout d'un dud, à pe au chopinado, zévec gretine. Mais tiens t'en fais guel, voir gazette nous, ractress, pe blisten, hein, à pe zin jonge d'ober, ma halagne bopet. Ag, gande, votade gouze, ve guelet, ractress ou auton de mes oas. Evel da square, actrice Gwen Gambras, bon, matresen, dernzo eneb, dernzo evid Gwen Gambras, gwelvo, pe sa mode vo kont, ben, namzer de zon. Wardachen ur zevena dur bremen, zo kal ze drog de l'ar ad ur vejman, de diantant, kom ze zo bit, ba kamp un député, deus karta ur yezou, minorel. Milar fait tientor carta, ur yezou gwasket, plusieurs yezou tostor de ze virionne. Hag un député, Jan Jacques Zurvoise, un skinig de, un dan velezen, et vid halfe, brovran, zinan, carta, ur yezou gwasket. Med, bon, tramenade, lezen ze, tramne de mord, et mames, plusieurs obéd, spentri hon, triugen, député à ne se vote visé, mais de bonne mestra au bid de quand hunter quand in up puis aux ouais usuaires puis vejonjet et bro France bro cuir de Mabdin le pays des droits de l'homme à ce cas avec même mestra quand hunter quand dut à gazo in up de orguir à que fait bout de heuille quand tout d'or voyou ou bénéfine. Un DL me sclève de, or politique ou rare, de ze, de Sparis, Henri Guénaud, Angelaré, Pessamaud, Oisé, Hénop de Lezenvillers-Cotteret. Lezenvillers-Cotteret, ou à Bégret, Gand, Fonch, Tchantan, Zézopem, Gand, Lasso, Ag, Sansed, les Énous de Zerouantelles, Ninken, Martin, Bar, République, Ag, Ouskou, de Védéret, Combs, de Zvillers-Cotteret. Bon, on tombe quand madé, hein, vide, Jésus, quoi, ce que devait leur embrasser, donc, mais, hier, vous, Nénois, qu'a appelé, Yann, de Zigaz, hein, plus du rare, vos Redmond, direct, Camperigos, Godric Plater et Ramborigos, c'est non, il y a, plus Géradine, non, c'est plus dur, la Camperigos, plus dur, et Zé Essence de voûte, à Gorret Tremen, direct, Camperigos, à Waller, vos Tremen, direct, Parlement, de la Redé Sénatour, à Gun Député, à Rois du Roi, vos Scoy, ou là, que de Gun, Cusul Stade, un grand Cusul Lesenstur, Conseil constitutionnel. Bon, sais-tu, quoi, l'arrêt de Pellombroise de ce Paul. Ag, bon, Pigeon Jean-Demar de Pessouroise, Jacobine Zouba Paris, mais Jacobine Zouive, vrai, en vrai roman. Ag, quoi, le Vézé, Alice, PV Clasque d'Or, Orlas, Diouyézek, P. Oskol, Diouyézek. Et Jacobine de Zevro, homme, glace distruge, pèse végrette. Avec Nick Raymond Gualbel, Vigualzé. Bon, donc, de l'arpe, alors. Virion, né, d'azon d'embraison, ne gusotre d'awar ne vretonnet. Année que gander politique courrien de Zlerel. Mais Gualeret, Gualeret vait toute pèse au bégrette, vide embraison, ne. Zo bégrette en mangant tu de Yulvot. Cool ce scolage, ouvert le radio, ouvert l'RKB, pis. Tout pèse au bégrette, zo bégrette, quand tu de Yulvat. Un DL, ou prige ou en prison, de Gusmat, zo bérode, bah, pon nabat, ag, blanc me one bipid, c'est une mesouelle de ze dos, pèse à mode, non drame n'entro. Ag, pèse de spli, je dis, bon clève de, au vers un discours, y'a zo, elle juste, d'Hermann, mais, brison et guerre, blanc et malo, bouessel du bourg. Elles ont rien leur produit de Bryce, produit en Bretagne, en Galles. Ag, ne plus jeter une pèse neus l'art, déjà, ne se comme de zidot, neus l'art d'idot, ni ou à la bourre de vie d'emprison, donc. Mais, in ou à que bédinor, de gouéchebet, tant, mais à l'eau boisselle du bourg. Ag, neus l'art, on tente pèse l'art en d'art, en main, en mesure de zon d'emprison, donc, j'ai très youl, très d'avoir une œuvre tournée, quoi. Dès que Gotas de Zlerhel t'a fait Zikour à Dreistol passe, Zikour gandré ne zlak ne zgrède au seis pos sub vihar zum brezon d'un don warok. Bon, sais-tu, dis, Hindel wardachen zévenadur zo béantro, mar et man, ndl wa pardon très malgat, bon, nilis au bézer passe pen d'églin vraiment, wa pardon très malgat, au béantut, Ag, zo bégrède, tout pèse au sens, de la RD ou à l'air en Averne, le Bruition, une tentate, ag, guerze trau, velvigégrède, guégel, en un incant, ma besoin, ag, bon, calze obligea dur zo bégrède, ag, un dis, agor prêtre, ou à l'air, et vel juste, hein, car, rédimonde de stôle ou à l'air, ag, un temps, bon, bah, margor ou à part, dans un dis, croise, bah, la niscat, à bah, quoi de mail, hein, melbistil. Sais-tu, bon, c'est, pardon, y'a au port de Gouan, pardon, y'a au tient tant de port de Gouan. Bon, wardache de Zévena, d'urna, un roise, allen en os, tach, ne se grède au levard, di warben, ivué, de gonto pésamoun, ne se grède zé, quoi, pésamoun, ne se béyet pésamoun, des deux de voudo, leur livre, ag, bon, les omates, puis on change, leur livre, on dénard, Guédard, Hervé Guédard, Gaftine et Iran, un esgré de lever, voir, bu et, Sérusier, Paul Sérusier, au livre, doit que gagne de Braise, mais deux doigts de chaume Braise, à quand malade, doit bête, gagne, goga, tout de risque, ag, crouenois, Or, strolade livourienne, ouais, les nabis, quoi. Hemo a nabi botoquat. Donc, ne se grette cas et tolé, nous, kertri, ou arben, en vrou. Sais-tu, Hindel, zo, war les verres ou zo bédim bande d'arras, zo une bande d'olive, war bué au, en mescol, bas en derne. Hag, his wa tat kem, parce que j'onge pe sa rentre et, plar ne se grette mona et gaftine, mona en drame neket, ya mona toma, ya, one clask, ma me va perio, hag bon muskelen et de levers, mais plus j'aurai din, plus j'aurai fait din, ka, et de se velan, gleboud en dra, brotri, quoi. Bon, sais-tu, on tombe trop, m'gued, war, war evro, war zévenadur, war alors bourdou, war, sais-tu, point des dîners chus, il y a l'art Kinavo, non, de tout de Chilo aérien. Kinavo, Eri.